Pauvre cousine, dit Bette, cela me fend le cœur. Je parle d'elle à mon cousin tous les jours. Que voulez-vous? Il dit, tu as raison, Bette, je suis un misérable. Ma femme est un ange et je suis un monstre. J'irai demain. Et il reste chez Madame Marneffe. Cette femme le ruine et il l'adore. Il ne vit que près d'elle. Moi, je fais ce que je peux. Si je n'étais pas là, si je n'avais pas avec moi Mathurine, le baron aurait dépensé le double. Et comme il n'a presque plus rien, il se serait déjà peut-être brûlé la cervelle. Eh bien, Mariette, voyez-vous, Adeline mourrait de la mort de son mari, j'en suis sûre. Au moins, je tâche de nouer là les deux bouts et d'empêcher que mon cousin ne mange trop d'argent. Ah, c'est ce que dit la pauvre madame. Elle connaît bien ses obligations envers vous, répondit Mariette. Elle disait vous avoir pendant longtemps mal jugée. Ah, fit Lisbeth, elle ne vous a pas dit autre chose? Non, mademoiselle. Si vous voulez lui faire plaisir, parlez-lui de monsieur. Elle vous trouve heureuse de le voir tous les jours. Est-elle seule? Faites excuse, le maréchal y est. Oh, il vient tous les jours, et elle lui dit toujours qu'elle a vu monsieur le matin, qu'il rentre la nuit fort tard.